Bonjour à tous, bienvenue dans Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de Messages de Vie, MES, plus loin, sage, produite par Richard Federman. À l'heure où je vous parle, notre Terre, notre planète bleue, a réalisé son 4 556 millionième tour autour du Soleil et elle achève sa 25e révolution autour de la Voie lactée. Cette émission est dédiée à tous ceux que le monde émerveille. Message de vie donné à comprendre. Voyage intérieur. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. On dénombre des milliards de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie. Si ces planètes attirent l'attention des scientifiques, c'est qu'elles ont un gabarit similaire à la Terre et se situent dans la zone habitable. Habitable, vous le savez, une planète doit rassembler un caractère rocheux, la présence d'une atmosphère, des températures tolérables pour des organismes vivants et une pression atmosphérique proche de celle que l'on trouve sur notre Terre. Imaginez un seul instant que nous découvrions la possibilité d'aller habiter demain sur un astre similaire au nôtre. Si nous partons conquérir une autre planète avec les mêmes ambitions et la même conscience qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme fera de plus qu'il ne fait déjà? À quoi cela nous servirait-il de chercher un ailleurs, un autre plan B, si nous ne sommes pas préparés à prendre soin de nous-mêmes et de notre environnement? Cette question est essentielle. Je vous propose d'y réfléchir avec notre astrophysicien poète que j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter, Hubert Reeves. Les pieds sur Terre et le nez dans les étoiles pour nous faire rencontrer le monde qui nous entoure dans Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de Messages de Vie, MES, plus loin, sage. Vous avez l'expérience des mouvements associatifs et avez participé à des événements comme le Grenelle de l'environnement ou la COP21. Avec le recul, le résultat de ces grandes messes, pétries de bonnes intentions et de belles déclarations, paraît très insuffisant, voire dérisoire, à la lumière des crises sociales, politiques et économiques que nous traversons. Quel regard portez-vous sur cette impuissance réelle ou apparente? Comment peser efficacement sur les véritables décideurs et les grandes entreprises? Bon, alors j'ai mentionné pendant la conférence la COP21. Et la COP21, ce n'est pas dérisoire ou négligeable. C'est 195 pays qui se mettent d'accord pour, dans un but important. Donc ça me paraît une étape importante. Les autres conférences, Rio par exemple, bonsoir monsieur, Rio, c'est un moment, bien sûr, on s'est aperçu qu'il y avait eu beaucoup de choses de promises. Quand on a fait Rio 10 ans après, on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 20% qui avait été accompli. Mais ça reste le moment où le mot écologie entre dans le vocabulaire universel. Et ça, c'est une étape très importante. On ne peut pas s'attendre à résoudre les problèmes tout d'un coup. On ne peut pas s'attendre à avoir balayé tous les problèmes. On avance à petits pas. Et depuis Rio 90, mais même, je dirais, depuis 1875, j'ai parlé du début du parc Yellowstone et de l'écologie, des mouvements de protection de la nature, il y a eu un changement radical. Il y a un changement qui donne espoir. Moi, je ne suis pas du tout dans l'idée que c'est foutu. Je suis dans l'idée qu'on avance à petits pas. On ne peut pas avancer tout d'un coup. Il faut se résigner à avancer à petits pas, mais on avance. Et aujourd'hui, il y a un tel mouvement, en particulier en Chine. La Chine, maintenant, est devenue un pays très, très ouvert sur l'écologie. Donc je ne suis pas d'accord avec l'idée de dérisoire. C'est un mouvement majeur, je dirais aussi important que le mouvement de détérioration. Ça, je vous donne mon opinion. Vous n'avez pas l'air d'accord, mais c'est mon opinion. Mais alors, vous pouvez avoir votre opinion. On a le droit. Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'appelle le réveil vert. Ça, c'est aujourd'hui ce qui nous donne espoir. C'est que depuis très longtemps, des êtres humains ont déploré le comportement de leurs compatriotes par rapport à la nature, par rapport au saccage de la nature. Ça, on le retrouve dans la littérature. Pythagore, qui vivait il y a 2000 ans, a beaucoup de mots contre ses contemporains qui détruisent la nature. Mais ça ne fait pas longtemps qu'il y a des humains qui non seulement déplorent, mais agissent. Ça se passe, les premières traces que nous en ayons, c'est aux États-Unis, vers 1875. C'est le moment où des êtres humains, des hommes, décident d'organiser la défense de la nature. Ils font les premiers parcs animaliers, Yellowstone, Yosemite. Si vous allez aux États-Unis, ne manquez pas, c'est vraiment ce qui est, à mon avis, ce qui est de plus beau à voir. C'est le moment où on fait des mouvements de nature. On va au gouvernement. Ces gens sont allés voir le président des États-Unis pour obtenir des lois, pour essayer de sauver, d'interdire le massacre. Et ça se passe à une période où le saccage des animaux est le plus violent qui ait jamais existé. À cette période, on vient d'exterminer 60 millions de bisons. Le nombre de bisons qui vivaient dans l'Ouest américain, c'était 60 millions. Il en restait quelques milliers. On pêche des baleines, on tue des baleines à 50 000 baleines par année, à tel point que tout le monde est inquiet, se dit « ces baleines, elles vont disparaître ». Aujourd'hui, la très bonne nouvelle qu'on a eue il y a 2 ans, c'est que les efforts pour sauver les baleines ont eu du succès, en tout cas pour certaines espèces de baleines, et qu'on a retiré le mot « baleine » de la liste des animaux en grand danger. Ça, c'est bon signe, parce que nous avons toute une liste d'animaux qui sont menacés d'extinction. Les baleines étaient évidemment au premier rang. Maintenant, elles en sont sorties. On sait que les baleines vont survivre. L'historique de la préservation de la nature, il y a les grandes conférences, Rio, Johannesburg, Copenhague. Non pas que ces conférences aient apporté beaucoup de résultats, mais ces conférences ont eu pour effet de faire connaître les problèmes. Rio, 1992, c'est les premières fois, c'est le moment où le mot écologie rentre dans le vocabulaire. Le mot écologie, il n'était pas connu, mais grâce à tous les médias qui venaient filmer, c'est le moment où l'humanité, tout le monde a appris que l'écologie, c'est une réalité, c'est un problème. À Nagoya, c'est le mot biodiversité. À chaque fois, il y a des nouveaux mots qui mobilisent les gens. Les mots ont ce rôle important de mobiliser les gens. Et il y a eu en particulier un événement particulièrement important qui s'est passé à Paris, c'est la COP21 en 2015. La COP21, c'est un moment historique. À la fin de la COP21, 195 pays, pratiquement toute la planète, se mettent d'accord sur un point. Déjà, ça, c'est une première. Une première dans l'humanité que tout le monde est d'accord sur un point. Ce point, c'est le réchauffement climatique, c'est un danger. Il faut arrêter, il faut le juguler, il faut faire quelque chose. Ça, c'est le début de ce qu'on espère qui s'appelle une gouvernance. Une gouvernance, c'est une autorité mondiale qui aurait un pouvoir exécutif. Là, on a l'UNESCO, on a l'ONU, ce sont des pouvoirs consultatifs. Ils peuvent donner des opinions, mais ils n'ont pas de pouvoir. Vous avez bien vu avec la guerre de Syrie, c'est précisément un exemple du fait que l'UNESCO, que l'ONU, les Nations Unies n'ont vraiment pas de puissance autre que consultative. Eh bien, la gouvernance, c'est le fait que les nations dans l'ensemble se mettent d'accord sur un point, et cette conférence de COP21 est un premier exemple de ça, un exemple encourageant que tout n'est pas perdu. L'historique de la conservation, de la préservation de la nature. Le Sierra Club, ça c'est le club de M. John Muir. Il y a l'Union internationale pour la conservation, le WWF. Ici, il y a France Nature Environnement. Et ce mouvement dont j'ai été longtemps le président, maintenant je suis le président d'honneur, qui s'appelle Humanité et Biodiversité. Et notre travail, à nous, c'est un travail de plaidoyer ou de lobbying pour rappeler au gouvernement qu'ils ont des devoirs vis-à-vis des gens qui ne peuvent pas négliger la société, qui font des promesses. Par exemple, le président Hollande, vous savez, dans sa campagne, avait promis cette agence pour la biodiversité. Évidemment, quand il a été élu, il s'est empressé de mettre les documents sur les étagères. C'est ce que font généralement les hommes politiques avec leurs promesses. Eh bien, notre mouvement, nos membres, nous allons à la Chambre des députés pour dire « Attention, vous avez promis ceci, cela, cela ». Et aujourd'hui, on est très actifs. On a rencontré, par exemple, il y a 15 jours, M. Macron. On lui a fait passer un examen. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment vous allez le faire? Donc, c'est ça. On ne veut pas entrer en politique. Quand vous entrez en politique, vous avez une étiquette. Vous êtes de gauche ou de droite. Si vous n'êtes pas du bon côté, on ne vous écoute pas. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a un peu de ça. Le problème de l'écologie, il est trop sérieux pour le laisser aux mains des clivages politiques. Donc, nous n'avons aucune couleur politique, mais nous sommes des plaidoyers du lobbying, comme les grandes compagnies font des lobbyings pour défendre l'idée que le pétrole, c'est bon pour vous, que la cigarette, c'est pas nocif, etc. Tout ce qu'on appelle, nous appelons la science poubelle, junk science, ce sont des scientifiques qui ont été payés pour défendre la cigarette, pour défendre le sucre, et ça existe un peu partout. C'est notre but, nous, d'essayer de défendre ça. Alors là, je vais terminer en vous invitant à vous joindre à notre mouvement. D'une part, parce que ces mouvements comme le nôtre ne sont puissants que lorsqu'il y a beaucoup de monde. Ça, c'est sûr. Le nombre fait la force. Et d'autre part, nous avons une initiative que nous appelons Oasis Nature. Les Oasis Nature, c'est ceci. Les gens, les membres de notre groupe qui ont un bout de terrain. Mais vraiment, ça peut être un balcon, ça peut être un petit jardin, ça peut être un grand jardin, décident de en faire ce qu'on appelle un oasis nature. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire préserver la vie dans cet endroit-là. Que vous, chez vous, on ne va pas atteindre la vie. On ne va pas mettre de pesticides, on ne va pas faire de chasse, sauf des chasses de régulation, bien sûr, mais on va avoir l'initiative, on va suivre M. John Muir, on va avoir l'initiative de dire « Nous faisons quelque chose ». Nous n'avons aucune puissance sur la destruction des forêts amazoniennes. Mais quand on a un terrain à nous, on a la juridiction, la loi pour nous. Eh bien, les Oasis Nature, nous en avons maintenant plus de 600. Il y en a beaucoup en France, au Canada, en Belgique, en Suisse. Et c'est quelque chose qui est très dynamique. Et donc, je vous invite, je vous fais confiance, on va distribuer des petits flyers tout à l'heure, pour ceux qui voudraient s'associer à nous, c'est très important. Aujourd'hui, je vais terminer en vous disant comment je vois l'avenir. Souvent, les gens me demandent, est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va mal? Est-ce que ça empire? Est-ce que ça se détériore? Je dis, il y a les deux. Il y a deux forces. Nous sommes dans une atmosphère, dans une situation de conflit majeur entre deux forces. La détérioration qui se poursuit rapidement. On coupe de plus en plus de forêts, on pollue les océans, on réchauffe la planète, ça continue, c'est pas en train de diminuer, ça continue. Mais d'autre part, il y a cette réaction, la puissance de cette réaction, la puissance en particulier, c'est surtout les municipalités qui ont réagi aux États-Unis comme en Europe, les endroits où on prend des initiatives pour avoir, par exemple, de la nourriture bio, éviter les pesticides et tout ça, et je sais que votre ville est exemplaire sur ce plan, c'est quelque chose qui prend de la force et on est en train d'avoir comme un conflit entre deux puissances majeures qui s'affrontent et personne ne sait ce que ça va donner. Personne ne sait ce que sera cette planète dans 50 ans. Ça pourrait être bien mieux, ça pourrait être bien pire. Et 50 ans, c'est pas long. Beaucoup d'entre nous, en tout cas moi, je ne serai plus là, mais les enfants comme on a eu après-midi, qui seront vraisemblablement encore là, quelle vie ils auront? Personne ne le sait. C'est le grand inconnu. Et aujourd'hui, se prennent des décisions qui vont influencer l'avenir de l'humanité pendant des milliers d'années. Alors, c'est pour ça qu'il est important d'avoir votre appui d'avoir votre jonction pour que, enfin, le réveil vert, c'est-à-dire la protection de la nature, l'assurance que la vie va continuer pour nos enfants et nos petits-enfants, va se continuer. Alors pourquoi un astrophysicien s'intéresse-t-il à la défense de la biodiversité et au réchauffement climatique ? Ben, parce que j'ai des enfants et des petits-enfants, et je m'inquiète de la vie qu'ils mèneront, de l'état de la planète, quand ils auront 50 ans. On s'aperçoit que ce n'est pas des échéances, comme dans l'astronomie, en général, on dit le futur, c'est des millions d'années. Là, c'est des décennies. La détérioration de la planète, depuis 50 ans, elle est très grave. Ça continue, mais il y a aussi des mouvements de restauration. C'est mon opinion. Alors, sauver la biodiversité donc face à la sixième extinction massive des espèces, pour vous, donc, c'est de l'humanisme et pas du naturalisme ? Je ne sais pas très bien ce que vous appelez le naturalisme. Là, il faut m'expliquer qu'est-ce que vous mettez dans le mot « naturalisme ». Vous ne défendez pas la nature, ce n'est pas pour défendre la nature en elle-même. Si, tout. Si, ça fait partie de l'idée de défendre la nature, mais le problème est le même. Que je dis, c'est pour l'humanité, mais l'humanité est aussi également menacée que la nature, et si on sauvera l'un ou l'autre, ou on les perdra tous les deux, ça va ensemble. Donc c'est un problème global à l'échelle de la planète. Et face à cette vague d'extinction massive telle que certains le prévoient, quelles seraient vos recommandations les plus impératives ? Comment agir concrètement pour éviter ce futur annoncé ? Ben justement, l'Agence pour la biodiversité est une étape dans cette direction. On s'aperçoit maintenant qu'on va commencer à contrôler les pêches en grande profondeur, à contrôler la survie des animaux. Maintenant, on fait des bilans. Jusqu'ici, on faisait très peu de choses sur toute la biodiversité. La première chose pour la sauver, c'est de la connaître. Et on fait des catalogues, on fait des encyclopédies. Et ça, c'est la première étape. Et ça se fait. Alors, est-ce que la connaissance du miracle de la vie sur Terre et de sa complexité est pour vous un moyen d'éduquer justement les générations futures ? Est-ce que c'est par ce biais-là qu'on arrivera à leur faire prendre conscience des choses ? C'est pas par la connaissance, c'est par l'affectif. La connaissance, c'est mental, ça n'est pas mobilisant. Moi, ce que je dis aux parents, amenez vos enfants dans la nature, montrez-leur que vous appréciez, ça c'est affectif, c'est contagieux. Les enfants sentent cela et ça les prépare. Ce n'est pas de leur faire des discours. Les gens disent qu'il faut faire de l'enseignement dans les écoles. Mais non, l'enseignement dans les écoles, les enfants s'en fichent. Il faut le faire sentir que nous sommes, nous, adultes, en train de vouloir protéger la vie, leur vie, et ça va déteindre sur eux. Donc, pour moi, c'est plutôt un problème affectif. Quand les enfants aiment la nature, ils la protègent. Vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions d'un message de vie, MES plus loin sage. Si vous venez à peine de nous rejoindre et de prendre la mission en cours, je vous rappelle que vous êtes en présence de l'astrophysicien Hubert Reeves. Cette présence de la nature nous unit. Verte et belle, unie vers l'élémentaire, essentielle pour essaimer des paroles qui nous unit vers le vent, un autre élément pour souffler ces mots à l'oreille des voyageurs, la chanson du vent, Song of the Wind, de Carlos Santana, en attendant le retour de Hubert Reeves. Message de vie, donné à comprendre. le son de ma voix se transforme en onde électromagnétique, puis en son pour finalement parvenir à vos oreilles. Dans l'univers, tout vibre, les atomes, les étoiles. Ces vibrations nous parviennent sous forme de lumière ou d'ondes radio. Chaque étoile est un tambour cosmique. Peut-être que le morceau de Carlos Santana que vous venez d'entendre en est un exemple. On dit bien que les célébrités sont des stars. L'astrophysicien Hubert Reeves nous dit que la musique de Mozart est un phénomène cosmique. La musique et l'astronomie sont des disciplines sœurs. C'est ce que nous rappelle Platon dans La République. Vous écoutez Message de vie, MES plus loin sage. Nous allons retrouver notre entretien avec Hubert Reeves. Vous êtes présent sur la scène médiatique à travers des livres, des interventions radio, mais aussi des conférences que vous pouvez donner sur l'avenir de l'espèce humaine ou les cosmophonies, en mariant par exemple Mozart et les étoiles. Quel message fondamental souhaitez-vous entendre? Simplement faire prendre conscience du fait que la créativité est un phénomène cosmique. Le fait que la matière se soit organisée, c'est par le fait que la nature est ludique. Là, j'emploie des termes analogiques, bien sûr, mais la nature aime construire, par exemple, le fait qu'il y a 125 000 variétés de papillons. On aurait pu dire, on va en faire une variété, parce que les papillons, leur but, c'est de polliniser les fleurs. On aurait pu faire un modèle, mais c'est pas la nature, sa nature. Si on veut généraliser, c'est elle aime joueuse, elle invente. Et que l'artiste est celui qui prolonge la créativité de la nature. C'est celui qui veut rendre encore mieux, créer plus de beauté. L'idéal, c'est d'embellir le monde, le rendre vivable, le rendre humain. Le grand programme, c'est humaniser l'humanité. C'est ça, le but ultime. Et si on arrive à humaniser l'humanité, elle se conduira mieux et elle pourra se sauver elle-même. Si elle en reste ou à l'état où elle était dans le passé, où elle est encore largement, eh bien, c'est tout ça. C'est, nous sommes devant un vaste problème qui est celui d'humaniser l'humanité et qu'elle cesse de saccager sa planète. Donc pour vous, vous dites ça pour les enfants? Mais la raison ne suffit pas, parce qu'actuellement, le constat des scientifiques fait à peu près consensus sur les échéances, sur les risques que nous encourons à continuer dans ce domaine. La raison n'arrive pas à percer réellement. Elle reste encore minoritaire. Oui, mais elle progresse. Il ne faut pas voir ça comme un état, c'est minoritaire, c'est... Ça existe, ça n'existe pas. On est dans un processus en devenir, et ce processus en devenir, on ne sait pas où il va aller. Personne ne sait comment sera cette planète dans 50 ans, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Ça pourrait être beaucoup pire aussi. On ne sait pas. Alors justement, si on traduisait les lois de l'univers en sociologie, quelle chance justement donneriez-vous aux petits porteurs de vie, que sont les défenseurs de la vie, face au trou noir de la destruction de la surexploitation et du consumérisme? Bon, là, vous faites une évaluation qui est votre opinion. C'est-à-dire, vous considérez un tout petit mouvement de restauration et un grand mouvement de destruction. Il y a les deux, mais je pense qu'en ce moment, la restauration se développe très rapidement et il est possible, un avenir est possible. L'avenir n'est pas bouché. Mais ça, je connais des gens qui ne sont pas d'accord, ils ont le droit. Et depuis que Galilée a découvert que la Terre n'était pas le centre de l'univers, y a-t-il des avancées qui attestent que nous sommes en train de sortir de cet anthropocentrisme, le nombril du monde? Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a 400 ans, on aurait pu se dire, mais on n'est pas tout seul, donc on peut penser au tout, à l'ensemble, mais on est toujours centré sur nous. Non, parce qu'il y a maintenant cette évolution, justement, en grande partie grâce à Freud et à beaucoup d'autres, qui se rendent compte que nous ne sommes pas le centre du monde, que nous sommes dans un tout petit espace. Freud disait qu'il y a trois chocs narcissiques. La science a appris aux êtres humains qu'ils ne sont pas le centre du monde, qu'ils sont nés à partir d'espèces animales, ça c'est Darwin, et Freud, que nous ne sommes pas maîtres dans la maison parce qu'il y a l'inconscient et tout ça. Et on a appris un quatrième choc, que nous sommes une espèce très destructrice. très, qui a beaucoup saccagé la nature. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus admis et qui fait qu'on replace l'homme à sa place, c'est-à-dire l'homme, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Vous avez vu, les bombes atomiques nous semblent d'une très grande puissance. Nous ne sommes pas rien, au contraire, nous sommes en mesure de menacer la vie. Et c'est le problème se pose maintenant, quoi faire avec cette intelligence prodigieuse que nous avons et que nous avons utilisée surtout de façon négative pour maintenant l'utiliser de façon positive. Et ça, c'est tous les mouvements de protection de l'environnement, de restauration, d'écologie et tout. Et si l'homme porte en lui la responsabilité de ce qu'il fait subir à la nature, oui, sachant que nous sommes poussière d'étoiles, oui, l'univers est à notre image. Alors, comme nous sommes tous, puisqu'on est poussière d'étoiles, on provient de... Nous sommes un des produits de l'univers. C'est l'univers que nous avons fabriqué. Nous sommes une espèce animale. Nous ne sommes pas le top, comme on a toujours pensé. Nous sommes une espèce parmi tant d'autres. Et ces espèces ont chacune leur particularité. Nous, la nôtre, c'est que nous menaçons tout le monde, mais que nous sommes très puissants. Donc, il faut arriver à adapter les humains à vivre convenablement sur la Terre, vivre en harmonie avec la nature et cesser de la saccager. C'est ça. La nature, on découvre qu'elle est ludique. Elle joue. Elle joue à quoi ? Bien, elle joue à organiser la matière. C'est elle, guillemets des guillemets maintenant, c'est elle qui a organisé la matière et qui fait que nous existons et que nous sommes en mesure de comprendre. Elle joue, nous connaissons quelques-uns de ses sports favoris. Comment elle a fait ça ? C'est un peu aussi les recherches scientifiques. Alors, il y a deux éléments qui sont importants qui vont intervenir. Il y en a un qui s'appelle les rencontres créatrices, c'est-à-dire des objets, des individus, des objets vont se rencontrer, se souder et former de nouveaux systèmes. Ça, c'est la base de ce qu'elle fait. Par exemple, vous prenez de l'eau. De l'eau, vous savez, c'est une molécule d'oxygène en rouge, deux molécules d'hydrogène. Les molécules d'hydrogène, les oxygènes, ce sont des atomes. Quand vous les mettez ensemble, vous faites quelque chose qui est un système organisé qui a des propriétés, que nous allons appeler des propriétés émergentes. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas là avant, mais qu'ils sont là maintenant. Et c'est l'analogue à ce qu'on appelle le jeu de l'écriture. Par exemple, si je dis, je vous donne des lettres dans l'écriture, je vous dis B, L, E, U. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai dit U? Une image est venue dans votre tête. Elle n'était pas là avant. Vous n'avez pas pensé bleu quand j'ai dit B. Vous avez pensé bleu quand j'ai associé des éléments simples pour en faire des éléments plus complexes et qui porte des propriétés émergentes. Ça, c'est le grand secret de la nature. Elle va continuellement associer des éléments simples, comme nous, tout notre langage, notre écriture, on va associer les lettres pour faire des mots, on va associer les mots pour faire des phrases. J'ai dit « le ciel est bleu ». Vous voyez, c'est le même jeu. J'ai répété le même jeu avec la propriété émergente, le sens de la phrase « le ciel est bleu ». Ensuite, je vais associer ces phrases pour en faire des paragraphes, pour en faire des chapitres, pour en faire des livres, pour en faire des collections, pour en faire des bibliothèques. Tout notre savoir est stocké de cette façon, assembler des éléments simples pour faire des éléments plus compliqués au niveau supérieur avec des propriétés émergentes et on va recommencer indéfiniment. Et comme l'écriture nous permet d'associer des éléments simples pour faire des éléments plus complexes. Dans la nature, on a exactement, ça je viendrai tout à l'heure, le même jeu. Et les propriétés émergentes, eh bien en particulier une des propriétés émergentes, c'est un événement qui s'est passé. Non, maintenant pensez à votre date de naissance, vous la connaissez. Reculez 9 mois avant. Dans le ventre de notre mère, 2 cellules se rencontrent. Ça produit quoi? Nous. Vous voyez, vous avez le même jeu à un niveau très supérieur Les atomes s'associent pour faire des molécules, les molécules s'associent pour faire des cellules, les cellules s'associent pour faire des organismes. Vous reconnaissez ce jeu de la nature, justement, qui consiste à associer des éléments simples pour faire des éléments plus complexes, doués de propriétés qui n'étaient pas là auparavant. Et la propriété qui nous intéresse beaucoup, chacun d'entre nous, c'est évidemment nous. C'est comment nous avons été conçus. On connaît bien la date de naissance, la date de conception, on ne la connaît pas bien, mais c'est quand même le moment important. La date de naissance, ce n'est pas vraiment le moment le plus important. Le moment où nous entrons dans l'existence, quand vous pensez qu'avant, on était dans le néant, on n'existait pas avant la conception. Et là, on entre dans la réalité, on devient ce que nous sommes. Donc ça, c'est un des premiers jeux de la nature. Le deuxième jeu de la nature, il y a 2000 ans, existait également un philosophe grec. Ces philosophes grecs, ils ont pensé plein de choses intéressantes. Un nommé Démocrite, qui disait toujours des choses mystérieuses. Il aimait beaucoup être mystérieux, avoir l'air très savant. Et il disait ceci. Tout arrive par hasard et par nécessité. Et les gens lui disaient, ça n'a pas de sens. Si c'est par hasard, ce n'est pas par nécessité. Si c'est par nécessité, ce n'est pas par hasard. Eh bien, on a mis 2000 ans à comprendre que Démocrite avait tout à fait raison, que la nature utilise les deux éléments en même temps. Et voici des exemples. Ce que vous voyez là, des cristaux de neige. On aime voir les cristaux de neige. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est beau, c'est une belle forme, c'est de la matière organisée. Mais le deuxième élément, c'est qu'ils sont tous différents. Des cristaux de neige, vous pouvez en faire des quantités, toujours. Alors, il y a deux éléments, là. Le cristal de neige, il est organisé. C'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui est organisé. Et en même temps, ils peuvent tous être différents. Les lois de la nature lui imposent d'avoir 6 pointes. C'est pour ça qu'ils sont organisés. Symétrie hexagonale, mais ensuite, c'est comme si la nature disait, maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est free for all. Vous jouez. Vous voyez encore cette notion de jeu dans la nature, ce côté ludique de la nature. Et c'est grâce au fait que les cristaux de neige, la matière, obéit à des lois. Si elle n'obéissait pas à des lois, ça ne serait jamais organisé. On n'aurait jamais eu l'organisation que nous avons. Mais en même temps, ces lois ne déterminent pas complètement. Elles laissent une marge qui est laissée au hasard. Et c'est ce qui fait la variété, la diversité. Je vous donne un autre exemple avec des papillons. Des papillons, comme vous savez, ils ont un rôle dans la nature. Leur rôle, c'est de polliniser les fleurs. La nature aurait pu faire un modèle de papillon pour toutes les fleurs. Ce n'est pas sa façon d'être. Sa façon d'être, c'est au contraire d'en profiter pour jouer à nouveau. Alors, autour du thème « polliniser les fleurs », elle va faire 125 000 variétés de papillons sur la Terre. 125 000 papillons sur la Terre, voilà ce que peut faire la nature. Et là, vous retrouvez les deux jeux favoris qui ont permis à la nature, toujours des guillemets, de nous produire, de faire que nous sommes, nous obéissons tous aux lois de la nature, pas toujours aux lois civiles, bien sûr, mais tous aux lois de la nature, mais pourtant nous sommes différents. Nous sommes 7 milliards sur la Terre, et nous sommes tous différents, et on peut en faire encore, il y a encore des possibilités de faire énormément d'êtres vivants différents. Et là, je vais vous proposer un petit exercice. Je vous propose de fermer les yeux quelques secondes et de dire « j'existe ». Simplement ça. Vous dites « j'existe ». Je suis dans une salle à une conférence d'astronomie. Vous venez de faire là une des prouesses les plus extraordinaires qui a existé dans la nature. Rappelez-vous, nous sommes faits en définitive de particules élémentaires. Beaucoup. Un corps humain contient beaucoup de quarks et d'électrons. En gros, c'est les quarks constituant des protons et des neutrons et les électrons. Pour vous donner une idée du nombre de quarks et d'électrons qu'il y a dans notre corps, c'est 1 avec 29 zéros. 10 puissance 29 pour les initiés. 1 avec 29 zéros quarks et électrons qui existait dans les tout premiers temps de l'univers, mais dans une situation complètement différente d'aujourd'hui. Ils étaient dissociés. Chacun avait sa vie personnelle, il se baladait, c'est pas très excitant, la vie d'une particule élémentaire, c'est à peu près comme une bille sur une table de billard qui va à gauche, à droite, qui frappe une autre bille. Toutes ces particules qui étaient dissociées à cette période, aujourd'hui, sont associées dans notre corps. Et c'est grâce à cette association de 10 puissance 29 particules élémentaires que nous pouvons simplement dire « j'existe ». Voyez, propriété émergente, l'intelligence, propriété émergente, la capacité de dire « j'existe », c'est analogue à ce qui fait de l'eau avec de l'oxygène et de l'hydrogène, sauf que ce n'est pas deux espèces, c'est un avec 29 zéros particules qui, au cours des milliards d'années, se sont associées d'abord pour former des atomes dans les étoiles, ensuite l'évolution de la vie sur la planète. C'est le résultat d'une très longue histoire de 14 milliards d'années qui est chacun d'entre nous. Notre rapport à l'univers, c'est ça. Nous sommes des systèmes hautement organisés. Il y a peut-être plus organisés que nous ailleurs, mais on n'en sait rien. Pour l'instant, sur la Terre, il est clair que le crâne humain, la capacité de réfléchir et de poser des questions est le résultat, implique des collisions de galaxies, des étoiles, et c'est la belle histoire. La belle histoire, c'est notre histoire. C'est comment nous sommes nés un beau jour, grâce à des phénomènes qui s'étalent partout dans le cosmos, qui impliquent des collisions de galaxies, des explosions d'étoiles, des quantités de choses, des volcans, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on retrouve, tout ce que la physique, la chimie, la biologie, la géologie nous enseignent, sont des chapitres de comment nous en sommes venus à exister aujourd'hui. Ça, c'est la belle histoire. Message de vie, donné à comprendre. C'était Hubert Reeves, astrophysicien, poète et conteur de renom. Notre invité que j'ai eu la joie de recevoir dans Le Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES plus loin sage, pour notre plus grand plaisir. Voilà une belle manière de nous séparer. Après une aussi belle histoire, je vais vous lire un texte qu'Hubert Reeves a écrit lors d'une nuit étoilée. Après cela, vous irez chercher vos liens, tisser vos constellations. Sa biographie est immense. C'est une vraie encyclopédie vivante. Au plus lointain, il a vu l'explosion fulgurante d'un chaos torride et dans un océan éblouissant de lumière, un magma de matière informe se répandre. Puis, sous ses yeux étonnés, de gigantesques masses nébulaires se sont disloquées. Les fragments s'enroulant sur eux-mêmes se sont lentement dessinés en spirales bleutées et tout au long de leurs bras, de fantastiques explosions d'étoiles ont projeté dans l'espace avec une force inouïe des moissons d'atomes multicolores. Il a observé dans les abysses océaniques des torrents de matière opaque s'éjecter des cheminées volcaniques et d'immenses colonies d'organismes s'agiter en cadence auprès de cette manne sulfureuse. Il a assisté aux combats brutaux de cerfs pour la femelle qui portera leurs semences et veillera sur l'avenir de la lignée. Par ces spectacles, il a mesuré la puissance du ferment d'organisation dont la nature est possédée. Et il a goûté en lui une saveur exaltante, faite d'enthousiasme et de reconnaissance. Mais quand il a été horrifié devant les amas de cadavres dans les camps d'extermination, il a été envahi d'un sentiment de grande perplexité. Où l'aventure cosmique s'est-elle fourvoyée? Ou bien n'avait-il pas été simplement le jouet d'une illusion? D'un rêve en couleur. Du choc de ces visions contradictoires est née en lui une nouvelle idée de notre existence. Il y a quelque chose à faire de ces quelques décennies que la nature nous accorde. Prendre résolument et sans faillir le parti d'embellir la réalité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure humaine. Portez-vous bien. Ciao.